Bat chan kouè, yon jouta ki tem kon sa. Ti zye dou, ti kares, tout sa se souveni. La bel vi, fini. Non, non, non, pas quoi t'as quitté, maman. Tout ça, t'es chéri, c'est conséquence la vie. Avec courage, m'a résigné. Conséquence la vie, avec courage, ma résilience.